Les masses médias de divers pays ont rapporté les 17 et 18 août le test intégral ou le résumé de l'entretien du porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie. Il faut infliger un coup foudroyant à la bande traîtresse qui commet sans cesse les crimes par la trahison. Ce sont la télévision presse, la radio Fars Today, le journal Iran Daily de l'Iran, le journal vénézuélien El Universal, l'agence de presse japonaise Kyodo, et les pages internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du Forum allemand anti-impérialiste.